Les Dames du Bonheur par Charles de Rennes. Il existe quelque part un beau pays qui doit, tout compte fait, être quelque part sur la terre, puisque d'aucuns que je sais, ils sont allés durant leur vie et en sont revenus. Et c'est Clare Croze. Si, voyageant dans le Haut-Quercy, vous sortez des bois de Bastille par l'oreille qui regarde le soleil levant, entre Espédaillac et Issandolus, vous entendrez les gens du lieu parler de Clare Croze, des palais tout en or et en diamants qui s'y élèvent, des fontaines qui murmurent, des belles dames qui s'y promènent en robe couleur du temps et qui sont, dans tous les points, des fées. À propos de ce pays fabuleux, des chansons et des dictons remplissent les esprits et les bouches. Ainsi, l'on dit d'un prodigue que tout l'or de Clare Croze ne lui suffirait pas, d'une fille trop entichée de ses charmes qu'elle se prend pour une des dames de Clare Croze, et autre chose semblable. Quant aux chansons, il en est de très belles, qui ne donnent aux tout petits d'autre envie que celle de danser en rond, mais qui font rêver bien des jeunes hommes. Et voici par quoi débute l'une d'elles, que je traduis comme je peux. Marche 3 jours et 4 nuits par les chemins des hommes, puis délaisse cette route et suis la piste de la lune. Ce qui t'attend au beau pays, si ce n'est pas le paradis, ô cœur vaillant, c'est mieux ou pire, c'est l'amour, la fortune. Ne sois pas trop fatigué, passe le bois, passe le gué, puis d'un bâton de chêne, au gué, heurte la porte close. Ô cœur vaillant, et tu verras les belles dames de là-bas venir en te tendant les bras du fond de Clare Croze. Si vous dépassez d'une lieue Issandolus ou Espédaillac, Clare Croze ne signifie plus guère que quelque chose comme grotte lumineuse, en dialecte quercinol. Un savant de mes amis, se rappelant que le Quercy est creux comme un vieil arbre, on a conclu que Clare Croze pourrait bien être qu'une vaste caverne souterraine dont un berger égaré revint jadis avec des histoires extraordinaires. Mais alors, il ne serait pas nécessaire de suivre, comme dit la chanson, la piste de la lune, et encore moins de chercher à comprendre ce que veulent dire ces mots. Il ne serait pas non plus nécessaire d'avoir le corps brillant ou le cœur pur, ce qui, à en croire un dicton, est indispensable aux hommes qui souhaitent devoir s'ouvrir pour eux les portes de Clare Croze. Et pourtant, Clare Croze existe, et les descriptions qu'en ont faites ceux qui en sont revenus concordent si admirablement que le moindre doute serait preuve de partialité ou de folie. Il ne se passe pas d'année que je n'aille dans le Haut-Quercy auprès de Madame de Casamian. Elle fut ma marraine comme elle avait à peu près 12 ans. Et lorsque j'eus grandi un peu et que je connus les contes où de belles et bonnes fées consentent à être marraines des fils des hommes, il me fut impossible d'imaginer ces fées sous des traits autres que ceux de la grande jeune fille aux yeux verts et aux cheveux bruns qui devint Madame de Casamian à quelque temps de là. Depuis la mort de son mari, elle vit au fond des solitudes quercinoles, en ce domaine de Castelcouril, avec son petit Georges, le cœur tout occupé de lui. Elle est encore plus belle à présent qu'elle a beaucoup pleuré. C'est une de ces créatures qui portent leur splendeur morale comme une armure adamantine, et les ans glisseront longtemps encore au-dessus de sa tête, sans oser s'y appesantir. Il m'est doux de croire que le signe dont s'enorgueillit le blason des Casamian n'y fut jamais qu'en prévision d'elle. C'est un pénible voyage que celui de Castelcouril. À Cahors, on quitte le train à identique potache, vous secoue sur près de 6 lieues à travers le plus mande des paysages, dans l'inexorable monotonie de tertres et de plateaux couleur de craie. La poussière pique aux yeux, racle à la gorge. Le soleil brille d'un éclat aveuglant et nu. Mais enfin, on aperçoit au loin, contre le ciel, la frange violette des bois de Bastille, et à l'ombre des premiers arbres, la longue façade de Castelcouril. Ainsi se termine l'épreuve qu'il faut subir avant de gagner le paradis, car Castelcouril est véritablement le paradis, peut-être parce qu'il y a un ange. Or, l'an dernier, à mon arrivée, je trouvais la maison bouleversée. Une vieille servante, dès la porte, me mit au courant. Depuis la veille au soir, on cherchait vainement le jeune monsieur et une fillette de ses amis. « Voilà quelques jours, me disait la vieille, qu'il ne parlait plus que de partir pour Clare Croze. Il se promenait dans le parc avec des bâtons sur l'épaule et des gourdes à la ceinture, pour imiter les pèlerins qu'ils avaient vus sur leurs livres d'images. Nous n'y avions pas pris garde, nous avions cru qu'ils jouaient sagement. Maintenant, Pécaire, Dieu sait ce que sont devenus les pauvres petits innocents. La nuit vint comme elle vient là-bas en été, brusque, voluptueuse et fraîche après la flamme du jour. Du balcon où j'étais accoudé auprès de Madame de Casamian, accablée de douleur, je regardais errer dans la campagne les lanternes des métayers des voisins qui allaient poursuivre les recherches toute la nuit. Je répétais sans cesse « Ne pleurez plus, ma reine, on les retrouvera. » Ces mots, je les disais sincèrement, éclairés soudain par un pressentiment heureux, et mon intention n'était pas d'offrir une consolation vaine à la chère âme blessée qui palpitait près de moi. Ma marraine fut, durant des heures, secouée par des sanglots violents. Quand parut l'aube, elle tomba dans mes bras, comme si elle n'avait pu supporter plus longtemps, avec ses seules forces, le poids immense de son désespoir. Ah, la douceur de ses pleurs sur mes lèvres! Il faut dire bien vite que mon pressentiment n'avait pas menti. Bien plus, c'était à Madame de Casamian et à moi que fut réservée la joie de retrouver les enfants. Le jour était venu, et nous traversions le parc pour aller aux nouvelles, quand nous les vîmes, couchés dans l'herbe, à un endroit où les chercheurs avaient dû passer maintes fois dans la nuit. Georges et son ami dormaient en se donnant la main et en souriant à de jolis rêves. Je revois le petit, quelques heures plus tard, entre sa mère et moi. Il nous racontait son voyage avec des yeux étincelants de bonheur. En vain, Madame de Casamian, croyant une sorte de délire, voulait le faire taire et le calmer. « Maman, lui disait-il, laisse-moi tout raconter, tandis que c'est si près qu'il me semble que j'y suis encore. Nous avions marché droit devant nous sur le bois, et quand ce fut la nuit, nous nous trouvâmes dans un joli chemin blanc. On aurait dit que la lune marchait devant nous en faisant traîner sa robe par terre. Et nous avons suivi la lune et nous avons ainsi atteint un grand portail où de belles dames sont venues à notre rencontre. Qu'elles étaient jolies. Elles te ressemblaient, maman. Nous avons joué dans leur jardin, dans leur château. L'air était plein de lumière bleue. Et ça et là, nous avons rencontré quelques hommes pareils à ceux que l'on voit sur la terre. Mais ils étaient revêtus de merveilleux habits. Ils avaient l'air heureux, heureux. L'un d'eux m'a demandé si je n'étais pas le petit monsieur de Casamian. Mon chéri, murmura Madame de Casamian sur un ton suppliant. Ton ami et toi, vous vous êtes endormis et vous avez rêvé tout cela. Il m'a demandé si je n'étais pas le petit monsieur de Casamian, poursuivit Georges, et il m'a dit encore, je vous reconnais bien. Tous les dimanches, en allant à la messe, vous passiez devant notre maison avec votre maman. Je suis Jean Piedaz de Reylac, et chez moi on ne sait pas ce que je suis devenu. Vous direz à mon père que je vais bien, et que je reviendrai peut-être un jour. « Jean Piedaz ? » s'écria Madame de Casamian. « Je me rappelle cette histoire. Mais où donc Georges a-t-il entendu parler de cela ?»« Et puis, ajouta le petit, il m'a prié de remettre à son père, pour bien prouver qu'il n'était pas mort, une bague qu'il avait au doigt. » Georges fouilla dans sa poche et en tira une chevalière d'argent, comme en portaient jadis les riches paysans du Quercy. Le soir même, le vieux Piedaz, mandé en hâte, main au château, reconnut la bague et l'emporta en pleurant de joie. Quelques jours plus tard, M. Descolobre, un vieil ami de Madame de Casamian, fut son hôte. Tout le pays racontait l'aventure du petit Georges. Il était venu à Castelgoril pour savoir au juste ce qui s'était passé. Je fus frappé de la tranquillité avec laquelle le vieillard écoutait parler l'enfant. En vérité, il semblait trouver cette étrange histoire aussi naturelle que possible, et comme je m'en étonnais à haute voix. « Monsieur, commença-t-il, les légendes ne sont presque toujours que des souvenirs de vérités mortes. Pourquoi des vérités mortes, d'ailleurs, ne vivraient-elles pas dans ce pays-ci ? » Mais, à ce moment, dans le silence sonore de la nuit déjà noire, retentit sur la route une chanson de paysanne, scolie imprévue en marge des paroles de notre ami. C'étaient les dames du bonheur. Elles avaient des yeux couleur d'azur ou d'eau vive, doux cœur, beau corps et clair visage. Des hommes ingrats et méchants, sourds à leurs pleurs comme à leurs chants, les chassèrent loin de nos champs, par malice et par rage. Toute leur race exila. Beau temps de pylore s'écoula. Sont-elles mortes pour cela? Je n'en crois pas grand-chose. Elles sont près d'ici, tout près. Ô cœur gentil, cœur qui leur plaît, tu les verras dans leur palais, au fond de Clarecrosse. M. Descolobre s'était tu pour écouter, il ne reprit pas son discours où il l'avait laissé. quand se fut éloignée la chanteuse qui passait dans l'ombre. Il estimait, je pense, que la chanson avait parlé pour lui. C'était « Les Dames du Bonheur » par Charles de Rennes.